distrait la vieille dame. Mylène Farmer est une icône de la canción francesa. Avalada por 30 millones de discos vendidos en 35 años y muchos premios. Por ejemplo, en 2005, la victoire de la musique a la mejor intérprete femenina de los últimos 20 años. Reconocida por sus compañeros de profesión y llenando estadios a pesar de no querer salir en los medios. Se ha creado un mundo musical personal entre estetizante y rock. Funk. Vamos a escuchar De Larmes, Lágrimas, sencillo salido en junio. Y en mi cárcel de cristal ya no sé qué hacer, puedo hacer oídos sordos a los elogios, me siento sola, lágrimas de pena, de alegría surcan mis mejillas. ¿De qué sirve vivir si no estás? Me aíslo. Escuchamos De Larmes, cantado por Mylène Farmer. Fais sourd d'oreille un compliment. Je me sens seule là et je m'épouse. Mon âme sœur, c'est mon bain de foule. La carrera de Thomas Fersen es más discreta, pero ha conseguido muchos premios, como el año pasado la prestigiosa medalla de oro de la Academia Francesa. Su último disco, salido en septiembre, se llama C'est tout ce qu'il me reste, es todo lo que me queda, en el que recuerda su adolescencia en un tono sarcástico. Vamos a escuchar Envie de ne rien faire, ganas de no hacer nada. Solo tengo ganas de no hacer nada más que esperar la noche cuando hace este calor infernal. Ver este pijama de rayas me recuerda a la cárcel. No tengo ganas de trabajar. Escuchemos Envie de ne rien faire, cantado por Thomas Fersen. Seguimos con la Grande Sophie, nombre artístico de Sophie Huriot, de 50 años y que lleva media vida viviendo de la canción. Sus 8 discos han cosechado 3 discos de oro y otros premios. Quiere mantener un estilo independiente y para ella la letra de sus canciones es fundamental. Acaba de publicar su 9º disco, Cet Instant, este instante, del que vamos a escuchar Où vont les mots, ¿a dónde van las palabras? ¿A dónde van las palabras cuando buscan el buen sitio para llegar hasta ti? Las que se imponen, las que nos curan cuando nos llegan al corazón, las que suenan y envenenan cuando dejan un vacío, una ausencia. Escuchemos Où vont les mots, cantado por la Grande Sophie. Où vont les mots quand ils tournent autour du pot, quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi, quand ils se perdent et reviennent, quand ils sont là éternels. Où vont les mots? Où vont les mots du toboggan vu d'en haut, ceux qui glissent sur ta peau, qui ne font plus écho, ceux qui se jettent contre un mur que tu prends dans la figure. Où vont les mots? Ceux qui s'imposent, dont on dispose, ceux qui nous soignent, ce qui témoigne. Ouvrons les mots quand ils nous touchent en plein cœur, quand ils s'en donnent à cœur joie, j'en vois de toutes les couleurs. Et quand ils restent murmures, qu'ils ont la peau dure, ouvrons les mots. Quand ils se mettent à courir au bout du stylo à billes, quand ils savent qu'on les espère, quand ils nous jettent la pierre, ouvrons les mots. Ceux qui résistent, qui se désistent, ceux qui résonnent et empoisonnent. Ils te flattent et te bercent, puis retournent leur veste. Quand ils te laissent un silence, un vide, une absence, ouvrons les mots. Ouvrons les mots quand ils sont sur le même thème, quand ils se poussent et se gênent, qu'ils ont besoin d'oxygène. Quand ils sont bleus, sonnent faux, quand ils se chantent tout haut, ouvrons les mots. Ce qui nous font septembre salió Il était une fois, Érase una vez, el tercer disco de Black M, un rapero que se dio a conocer en la música en el famoso grupo Sección de Assaut, cuyos miembros al principio 30 pues van saliendo del grupo empezando una carrera en solitario como Jim, Masca o el propio Black M. Alpha Diallo nació en París de padres guineanos y sus primeros discos fueron de diamante y platino. Escucharemos el último tema de este disco, Dudas, porque las convicciones son peligrosas, porque el tiempo corre, que uno se hace mayor, perdido entre mis elecciones estoy en medio. Solo tengo dudas. Camino en la oscuridad con unos sí. Cuando saco un nuevo disco, cuando nació mi pequeño antes de tiempo, oculté mis miedos para salvar a su madre. Escuchemos Dut, cantado por Black M. Parce que les convictions sont périlleuses, parce que le temps défile qu'on se fait vieux. Tu peux voir de la peur dans mes yeux, parce que les conséquences sont sérieuses. C'est en se cassant la gueule qu'on fait mieux. Perdu entre mes choix, je suis au milieu, entre ceux qui m'ont fui et les envieux. Je dirigeais mes mains vers les cieux. J'ai que des doutes, ça me ralentit. Oui, j'ai que des doutes, ça devient maladif. J'ai que des doutes, j'ai du mal à le dire. J'ai que des doutes, je marche dans le noir avec des si. Je marche dans le noir avec des si. Je marche dans le noir avec des si. Est-ce que tu sais que je suis dans le doute à chaque sortie d'album? Je sais que la solution ne se trouve pas dans un verre d'alcool. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis dépassé? Dans le passé, il s'est passé la même, au final, c'est passé. Mais c'est pas assez. Non. Non, c'est pas assez. Non. Pour me voir sur scène, vont-ils encore se déplacer? Est-ce que c'était de la chance? Tout était tracé. Je donne ma vie pour des projets que le temps finit par effacer. J'ai que des doutes. Ça me ralentit. Oui, j'ai que des doutes. doutes, ça devient maladif. J'ai que des doutes, j'ai du mal à le dire. J'ai que des doutes, je marche dans le noir avec des si. Je marche dans le noir avec des si. Je marche dans le noir. J'ai eu des doutes sur mon couple, j'ai trouvé la bonne formule. Je sais que sur elle je peux compter malgré mes mauvais calculs. Ah, j'ai failli faire tomber mes fondations. Mais même un foutu coup de foudre me peut brûler la passion. Qu'est-ce qu'elle est patiente, la mère de mon petit. Mowgli nous a rappelé qu'il fallait plus de non-dits. Né avant l'heure, mes plus grands doutes sont nés en même temps. Il paraissait si vulnérable sous ses machines, sans vêtements, impuissant. Face à lui, elle s'en voulait complètement. Je lui disais, c'est pas ta faute, tu n'y es pour rien concrètement. J'ai caché toutes mes peurs pour mieux rassurer sa mère, car la perte de mon prince aurait pu tuer ma reine. J'ai que des doutes, ça me ralentit. Oui, j'ai que des doutes, ça devient maladif. J'ai que des doutes, j'ai du mal à le dire. J'ai que des doutes, je marche dans le noir avec des si. Je marche dans le noir avec des si. Je marche dans le noir avec des si. Je marche dans le noir avec des si. Je marche dans le noir. Florent Pagny ha sacado nuevo disco en junio. Lleva más de 30 años en esto de la música. Muchos discos, todos de oro, platino o diamante. Vive fuera de Francia, en Argentina, con la madre argentina de sus hijos, y en Portugal. En 2009 publicó, por cierto, un disco enteramente en español. Y en general es bastante ecléctico. Su último trabajo se llama Aime la vie, ama la vida. Y escucharemos el primer tema, Rafale de vent, ráfaga. He pasado lunas cuestionando mañana. He conocido chicas que no entendían nada. Sin embargo, es bueno pensar que una ráfaga puede llevárselo todo. Una puesta de sol, un poco de hierba a fumar, unos amigos fieles, me va bien. Trabajo al año para mi libertad. Escuchemos Rafale de vent, cantado por Florent Pagny. J'en ai croisé des vies, j'en ai fait des saisons. J'ai traversé la nuit, j'ai filé mon blouson. Et pourtant, c'était là. J'en ai passé des lunes à questionner demain. J'en ai connu des filles qui n'y comprenaient rien. Et pourtant, c'était là, devant moi. J'avais oublié d'un été. Et pourtant c'est si bon de penser qu'une rafale de vent pourrait tout emporter, pourrait nous emporter. Et pourtant c'est si bon de rêver à l'aube d'un jour passé. Quelques parfums d'ailleurs pour mes vieux jours heureux. Tout est là, juste là, sous tes yeux. Un coucher de soleil, un peu d'herbe à fumer. Quelques amis fidèles, une poignée de projets. Ça me va, comme à toi. De rêver à l'aube d'un jour. de penser. Et pourtant c'est si bon de rêver à l'aube d'un jour passé, qu'une vague au levant pourrait tout balayer, souffler la réalité. Jean Serral publicó un nuevo disco en septiembre, el sexto, largamente esperado. Esta joven de 41 años lo hace todo, escribe, compone y toca de todos los instrumentos, pero sobre todo el piano. Es una artista comprometida con la inmigración, por ejemplo, y muy sensible cuando aborda temas de vida cotidiana. Formó el efímero grupo Les Françoises de cinco chicas, con, entre otras, la Grande Sophie. Este disco y la canción que vamos a escuchar se llama L'An 40, el año 40, un himno a la madurez de la mitad de la vida. ¿De dónde viene esa luz encima y este paso de loba mimosa? ¿Es un amor que la ocupa? ¿Es quizás solo el año 40? Todo lo que sabemos es que entré con una sonrisa en el año 40. Escuchemos L'An 40, cantado por Jean Serral. D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressante? Ces hanches qui roulent facile, naturel. Y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste L'An 40. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes ou comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante. Cabri, un peu gazelle, et brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne, où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire en L'An 40. Quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres comptes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de L'An 40. A sus 75 años, el 18 de octubre, Alain Souchon publicó un nuevo álbum, el número 15. Esperemos que no el último. Lo ha ganado todo con su estilo minimalista, sus delicadas melodías y su fusión artística con Laurent Voulzy. Este disco, Am 50s, Alma de los 50, recrea el ambiente de su adolescencia. Escucharemos On s'aimait, nos queríamos. Nos queríamos, nos besábamos, el amor era fácil. Vivíamos en una isla, éramos independentistas. Nuestras familias ya no las veíamos. Felices de lo que teníamos, nos quisimos, pero no los decíamos. Lo que es, los que se lo dicen es que no se quieren. Escuchamos On s'aimait, cantado por Alain Souchon. On s'aimait, on riait, on s'embrassait en ville. On trouvait que l'amour c'était facile. On s'aimait, on s'aimait. En forêt, on s'embrassait aussi, et nos vies étaient comme adoucies. On s'aimait, on s'aimait. Embarqué sur son joli bateau, on explorait des pays nouveaux. On s'aimait, on s'aimait. On s'envoyait à travers la figure des vers d'eau, des mots, des épluchures. On s'aimait, on s'aimait. On vivait sur une île égoïste et on était indépendantiste. On s'aimait, on s'aimait. On avait liquidé le surplus, nos familles on les voyait plus. On s'aimait, on s'aimait. On trouvait que tout allait bien, même si sur notre compte y avait rien. On riait, on riait. Ce que nous avions, comme James Brown devant son avion. On s'aimait mais on se le disait pas. Ceux qui se le disent, c'est qu'ils s'aiment pas. On s'aimait, on s'aimait. Et puis la vie avec son rouleau, la vie avec son rouleau. Soprano es el nombre artístico que se ha dado Saïd Boumbamba, nacido en Marsella hace 40 años, de padre de la isla Mauricio en el Océano Índico, y que está revolucionando el hip hop esta última década. Lo ha conseguido absolutamente todo, desde llenar estadios hasta tener su estatua en el Museo de Cera de París. Quiere alejarse del rap violento y vulgar, y en su retrato de los males de la sociedad consigue siempre colocarnos una sonrisa. De su último álbum, Phoenix, ya triple disco de platino, vamos a escuchar Frágil, Frágil en francés, que califica a un adolescente víctima de acoso escolar. Era tan tímida y frágil en medio de 30 alumnos. Empieza por un apodo, siguen los chistes malos, insultos y palabras perversas. Toda esta violencia gratuita se vuelve insoportable. Apaga su móvil y comete lo irreparable. Escuchemos Frágil, cantado por Soprano. était si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. Du virtuel, des tutos pour du rimmel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émotis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. Jean-Louis Aubert es un superviviente, lleva en eso del rock más de 40 años, los 10 primeros como cantante del grupo estrella del rock de aquella época, Telephone. Sigue desde entonces una carrera en solitario manteniéndose en la cima. Llevaba 5 años sin sacar un disco y el mes pasado publicó el noveno, Refuge. Refugio, del que vamos a escuchar el cuarto tema, Aussi loin, tan lejos. Mi amor, ven como eres, ven sin rodeos, porque me gustas, eres mi punto de no retorno. Caminemos juntos, vamos donde nos plazca, huyamos, bailemos. Escuchemos Aussi loin, cantado por Jean-Louis Aubert. Aussi loin que voit ton cœur, et aussi près que soit le mien, aussi vrai qu'on est âme sœur sur le tarmac des vauriens, aussi fort que soit l'amour sur ces chemins aller-retour, aussi faible que soit l'amour. je vais. Tu es mon point de non-retour. Sans détour, car tu me plais. Mon amour vient comme je vais. Tu es mon point de non-retour. Hace más de 30 años que el nombre de Pascal Obispo resuena en el panorama musical francés. Escribe y compone tanto para los demás, desde Johnny Hallyday hasta Céline Dion, pasando por Youssou N'Dour, entre otros. Es también un artista comprometido con la lucha contra el SIDA y las personas sin hogar. Su último sencillo se llama On n'est pas seul, no estamos solos. Cuenta un episodio autobiográfico. Hace 10 años ve desde su coche como otro coche atropella a un ciclista y se da a la fuga. Se para y lo atiende y le salva la vida. El hombre ha perdido una pierna y un brazo en el accidente. Un año más tarde, Nicolás, en silla de rueda, se acerca a Obispo en una plaza en Burdeos y empieza desde entonces una relación estrecha entre los dos, hasta hoy, cuando protagoniza el video de la canción cantando con él. Escuchemos On n'est pas seul, cantado por Pascal Obispo. Départemental 106, c'est comme si c'était hier. Un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. Il roulait tranquille, heureux sur sa planète, quand soudain au loin réverbère. Dans les phares du break, filant sous les étoiles, jaillit un éclair. Ses mobilettes en vol plané, en mille morceaux de lui cassés avec la malle foutue en l'air et les projets dans les débris et la poussière au ciel. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde dans nos nuits vagabondes. Quoi Lucifer, si je mangerais aussi en enfer, Même si on nous marche sur la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Me dit un jour l'homme de fer. Départemental 106, c'était comme si à cet endroit précis, les terres sous les lumières jaunies retombaient là sur le sol. Quand la vie ne tient plus qu'à un fil, pas besoin d'être un messie et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire pour perdre aussi la parole. Dans le désordre et l'odeur des sens, il prit l'homme sans bras dans ses bras, le déposa dans le fossé sans défense, en lui chuchotant ça ira, ça ira. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde, dans nos nuits vagabondes. Quoi Lucifer, si je m'en j'irais aussi en enfer. Même si on nous marche sur la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Me dit un jour l'homme de fer. Et comme un animal se fait la main, s'est barré, c'était fatal, en portant avec lui les rêves et les envies d'un innocent dont il venait de voler la vie. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. Il y a Higelin comme Obélix, un caído de niña en la olla de la música, accompagnando su ilustre padre, Jacques Higelin, en el escenario desde muy joven. Ya adulta, tiene hoy 29 años, se ha labrado una fama de rockera con 4 discos, una victoria de la música, y le ha dado tiempo incluso de ganar un César como actriz de alguna de sus películas. Muy orgullosa de su padre, transmite la misma energía en el escenario y sus conciertos son vivos espectáculos. Vamos a escuchar su último trabajo, bueno, un tema de ese trabajo, de ese disco, que se llama Esele. Solos. Lo canta acompañado por el también famoso Dominique A. Bueno, pues me queda desearos unas felices fiestas. Nos vemos en 2020. Escuchemos Esele, cantado por Isia y Dominique A. Esele, j'ai perdu de devenir fou, je vois danser les orages, j'ai peur de devenir fou parfois. Et seule, et seule, sur la forêt la foudre s'abat, je sens sa chaleur, j'ai peur de devenir fou. Esselé, quand tout devient si noir, au fond ficelée. Je te vois courir nu, l'asphalte se fend sous tes pas. Je crois devenir fou parfois. Décelé. Esselé. Te souviens-tu de nous, les phares et fleurs, ton visage, je crois devenir fou parfois. Esselé. J'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou parfois. Esselé.